Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes. La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires. Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive. Les espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. La traverse, transition en terre inconnue, épisode 5. Meymac, une commune rurale, pourquoi faire ? Le rôle du maire, alors... Philippe Brugère, maire de Meymac. Il est multiple, hein. Évidemment, il est centré sur sa commune, sur ses habitants, sur les besoins et les attentes de ses habitants. Impulser une dynamique locale. Dans des territoires ruraux comme on a, c'est avant tout maintenir les services que l'on a, les services publics notamment, qui petit à petit, on voit, s'éloignent de nous. C'est trouver des marges de manœuvre budgétaires pour imaginer les investissements qui font que notre territoire va rester attractif, développer cette attractivité en ayant en arrière-plan, enfin c'est en tout cas mon hypothèse, que les territoires ruraux sont des territoires d'avenir en fait, et que l'handicap d'aujourd'hui va devenir vraiment un atout pour demain, voilà. Cohésion sociale aussi, ça, c'est important. J'ai toujours dit que je refuserai jamais de voir sur la commune de Meymac, en tout cas, quelqu'un dormir dans sa voiture. Ça, c'est, pour moi, c'est inacceptable. Donc voilà, il y a ce rôle social qui est déterminant. Et puis, c'est aussi un regard tourné vers l'extérieur, parce que la commune, elle n'est pas toute seule hein, au monde. Voilà en quelques mots. Mais bon, j'en oublie sans doute. Hein, y a plein. C'est extrêmement riche. Je me faisais la réflexion sur la dernière mandature d'avoir dans une même journée, le matin en train de régler des problèmes de voisinage et l'après-midi en négociation avec des Pakistanais qui veulent reprendre un laboratoire pharmaceutique. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup de fonctions, en tout cas professionnelles, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est une fonction tellement riche que ça nous permet comme ça une multitude d'interventions et d'interactions qui sont, que je pense qu'on ne doit pas pouvoir le trouver assez souvent, très souvent. Et puis, c'est la fonction de maire, c'est dans le concret. C'est-à-dire, c'est pas comme le député qui va voter des lois, qui est plus ou moins au garde à vous, selon qu'il est dans la majorité présidentielle ou sinon dans une espèce d'opposition, de circonstances quand il est dans l'opposition, et puis qui a pas vraiment d'influence sur le quotidien des gens. Même le gouvernement, des fois, je suis pas sûr qu'il ait autant d'influence qu'il le souhaite, et tandis que la fonction de maire, eh bien, c'est du concret, c'est au quotidien, c'est au service des gens, et on voit ce qu'on fait. Je suis, en fait, mon installation à Meymac est corrélée à l'ouverture du magasin, donc ça c'est assez rapide. Ça fait 3 ans donc, que j'ai ouvert l'épicerie. Mélanie Flamand, Pêle-Mêle. Gérante de l'épicerie Pêle-Mêle. Moi, je voulais rester sur le plateau de Mille Vaches dans mon action. Et un magasin comme ça, il n'est pas viable sur des petites communes telles que Bujas, Ornac, où j'avais l'habitude, moi, de travailler. Donc Meymac, c'était la commune la plus cohérente en termes de zone en fait de chalandise. C'est les portes du plateau, donc symboliquement pour moi, c'était aussi être là à l'entrée du plateau pour les gens qui viennent en vacances, pour les gens qui viennent s'installer. Et c'est un peu de l'accueil hein, quand même à plein de niveaux quand on fait un commerce. Et puis après, stratégiquement parlant en termes économiques, Meymac, ça a déjà beaucoup d'attrait à plein de niveaux, au niveau de la qualité de vie en tant qu'individu, mais aussi économiquement, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de résidences secondaires qui du coup génèrent un flux assez important sur une grosse partie de l'année avec les familles qui viennent rendre visite, avec du coup les enfants qui sont partis faire leurs études mais qui reviennent. Donc il n'y a pas que les habitants en fait, c'est vraiment une zone qui est très attractive à plein de niveaux, en termes de patrimoine, en termes de tourisme vert aussi. Donc ça correspondait vraiment à la logique aussi du magasin. C'est, après intuitivement, je ne l'aurais pas ouvert ailleurs, mais concrètement c'est ces arguments-là aussi qui font que j'ai ouvert à Meymac. Alors est-ce qu'il y aura un retour? Peut-être, hein, mais c'est pas, les gens sont pas prêts encore, économiquement parlant. Pensez que les gens sont pas prêts à avoir un retour du commerce dans les local. Local. Donc Françoise Bleu, gérante du restaurant chez Françoise. Non, parce que les centres-bourgs sont déjà peuplés que de personnes âgées, donc ce qui ne peut pas faire vivre un commerce. C'est tout. C'est un développement économique lié au tourisme qui peut faire que le commerce local puisse perdurer. Mais il faut d'abord penser économie. Maintenir des structures économiques. Et peut-être aussi aider les structures installées. Et non pas aider à s'installer des structures, mais déjà aider celles qui sont installées. Penser à celles qui tournent depuis des années. Je pense que là, il y a à faire. Je ne crois pas qu'on puisse faire revenir une quantité de commerce dans un centre-bourg avec deux supermarchés. Parce que les états d'esprit ont changé, le commerce n'est plus le même. Puis c'est peut-être bien aussi. Hein. Vous avez connu Meymac avec des commerces? Ah, moi j'ai connu Meymac avec que du commerce. Moi, j'ai vu monter les supermarchés. Ouais. Et vous avez vu les... Ben évidemment. On ne peut pas tenir un commerce si c'est pas viable. Qu'est-ce que vous voulez faire arranger des pas de porte si c'est pas viable? Parce que les travaux à faire coûtent aussi cher à Meymac qu'en ville où ça peut rapporter, éventuellement. Il vaut mieux s'installer près d'une zone commerciale que de venir s'installer dans le bourg de Meymac. Économiquement parlant... Si je devais me lancer dans du commerce actuellement, je chercherais le meilleur des emplacements. Je ne cherche pas à m'installer à Meymac parce que c'est beau Meymac. Ou alors, il ne faut pas en avoir besoin. C'est ou du commerce distraction, mais ce n'est pas du commerce pour gagner sa vie. Il y a des magasins qui étaient là quand je suis arrivée, qui ont fermé, genre un magasin de lunettes, je crois qu'il y avait... Marlène Cernès, porteuse du projet de mercerie friperie dans le centre-bourg. Mais je crois qu'il y a eu un point de départ avec pêle-mêle, en fait. Tu seras trop contente que je dise ça. C'est pour toi, Mélanie. Non, mais parce que vraiment, quand elle a ouvert, il y avait quasi... Je ne sais même pas ce qu'il y avait dans son local. Ainsi, c'était une vieille maison de presse que je n'ai jamais connue non plus. Pour moi, c'était juste un truc désaffecté, en réalité. Et quand elle a ouvert... Il fallait monter la rue, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne croyaient pas. Et en fait, après, il y a eu la... Je ne sais pas si la tasse, le salon de café, de thé, est arrivé avant la crêperie, peut-être. Il y a eu la crêperie, la tasse, il y a la ressourcerie qui s'est installée en bas de la rue, Maya Aquarium, pêle-mêle, ça a 3 ans, quoi. Donc en 3 ans, il y a quand même eu 3 ou 4 commerces qui se sont ouverts. C'est quand même pas mal pour un village de 2000 habitants. Avec quand même une population vieillissante, etc. Ça, je l'ai vu dans les études de marché. Mais c'est vrai, il y a moins de jeunes qui s'installent. Donc je trouve qu'un MEMAC, c'est quand même plutôt un pari réussi au final. Du coup, mon projet ici, c'est de reprendre la mercerie de MEMAC et de faire un lieu plus ouvert et plus convivial qu'un simple magasin mercerie. Donc en fait, je vais mettre une friperie, enfin je vais installer une friperie dedans. Il y aura toujours la partie mercerie, vente de laine et vente de mercerie métallique, rubanerie, boutons, tout ça. Et un espace salle de couture qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je pense que c'est une ouverture, je pouvais pas faire que... Enfin, à mon sens, je pouvais pas faire un truc vraiment orienté que écolo, recyclage, sans proposer autre chose. Parce que c'est exclure pas mal de gens de la population d'ici et c'est pas comme ça qu'on s'intègre. Enfin, moi, je fais pas... Enfin, j'ai la sensation d'habiter ici, d'être corésienne, en fait, hein, même si... même si personne veut le dire. Et aussi, je pense, cette volonté de faire marcher les commerces locaux qui commencent à sortir un peu. Moi, personnellement, je le fais beaucoup. Je vais toujours privilégier des petits commerces, même si parfois c'est plus cher qu'un grand supermarché. Et petit à petit, les gens, ils commencent à le faire aussi. Parce qu'en fait, venir au bistrot, c'est un peu venir chez tes voisins, finalement. Donc, tu mets un peu d'argent chez eux, bah, c'est aussi le gage que le territoire y vive, quoi. En fait, se balader dans une ville où tous les commerces sont fermés, c'est super triste. Il y a un truc où ça atteint presque, c'est le moral, que se balader dans un centre-bourg où tu vas avoir un bistrot animé, une librairie, je sais pas, le salon de coiffure qui est plein, un magasin qui vend des poissons, c'est quand même très drôle, une mercerie. Bah, d'un coup, ça fait une image un peu plus dynamique d'une ville. Et pour les gens, c'est plus il y a de choses, plus les gens ils vont avoir envie de sortir et de consommer, je pense. Si j'avais pas cette volonté-là, j'ai pas besoin d'avoir un magasin, en fait. Je peux faire de la retouche chez moi, par exemple. Je peux faire des créations chez moi. Je pourrais recevoir des clientes chez moi aussi, ou faire les marchés. Enfin, je sais pas, j'aurais mille façons différentes de le faire. Moi, je préfère avoir un lieu fixe parce que je trouve que pour que les gens nous retrouvent, c'est quand même plus simple. Au début, c'était un objectif en soi, mais je m'aperçois que c'est aussi un objectif de transition écologique, hein, puisque on n'échappera pas, puis on sent bien qu'il y a le mouvement est enclenché, que les circuits courts, la consommation en circuit court, tout ça, voilà, ça ne peut être que vertueux. Enfin, c'est complètement délirant de faire venir des objets de Chine alors qu'on les a à deux pas de chez soi, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau du bilan carbone, c'est indéfendable. Et puis en plus, ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, je veux dire, ça a toutes les vertus. Alors, moi, j'y vais gaiement, quoi. Je souhaite développer ça aussi bien à travers le marché du dimanche matin qui permet aux producteurs locaux d'écouler leurs produits locaux. Et puis, à travers des gens comme Mélanie, là, avec Pêle-Mêle, qui ont des magasins de proximité, où on a des produits de qualité à des prix qui sont tout à fait comparables à ceux des grandes surfaces. Enfin, on a, voilà, y a vraiment moyen de développer ça. Et je suis sûr que c'est l'avenir. L'avenir, il est là. Il n'est pas dans les grandes surfaces. Alors, on ne pourra pas les faire partir. Maintenant, elles y sont. Mais par contre, on peut les empêcher de grandir et de s'en créer. Donc, il ne se construira pas de grande surface tant que je serai en responsabilité à MEMAC, ça c'est sûr. Contrairement à des villes, j'ai vu notre capitale, entre guillemets, de la Haute-Corrèze, qui est Ussel, où il était question, et à chaque fois ils font la même erreur depuis des années, de favoriser toujours l'implantation plus loin en périphérie de ces grandes surfaces. Alors bon, c'est un choix qu'ils font, mais ce que je leur ai dit de multiples fois, ils se tirent une balle dans le pied à chaque fois. Et pourquoi ils font ce choix, selon vous ? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'ils se laissent berner par un miroir aux alouettes qui est le discours de ces gérants, qui leur amène à croire que ça va créer de l'emploi. Et puis qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, et que voilà, le mouvement du monde est comme ça et pas autrement. Eh ben, ils ont tout faux. Il faut, quand on fait attention aux études qui ont été menées là-dessus, le commerce de centre-ville, le petit commerce, crée deux fois plus d'emplois que le commerce des grandes surfaces. Et en plus, au lieu de toujours favoriser des déplacements toujours plus loin, encore nous, c'est à une échelle raisonnable, mais quand on est dans une grande ville, vous vous rendez compte, il faut déjà faire une demi-heure de voiture pour aller faire ses courses. Mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est hallucinant, voilà. Alors j'espère que les gens vont prendre conscience de tout ça, et puis petit à petit, il me semble que le mouvement est enclenché. Ressourcerie, c'est une association qui sert à redonner vie un peu aux objets qui sont destinés à la déchetterie pour la plupart, et à aider des gens à avoir des objets à moindre coût. Les gens sont très contents que ce soit ouvert, la ressourcerie. Enfin, dans un petit bourg comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France où il y a des ressourceries dans des petits bourgs. Souvent, c'est plus dans les grandes villes où voilà. Enfin, ça commence à naître petit à petit, là. Et il y a une volonté de redynamiser le centre aussi qui se ressent nettement comparé aux autres communes aux alentours. Il y a eu une augmentation très nette du nombre de visiteurs et du dynamisme, notamment estival. Ça, c'est très clair. Lionel Rousset, libraire et adjoint au maire. Oui, on a un musée d'archéologie dont je cite souvent l'exemple parce que là, il est spectaculaire. Le nombre de visiteurs est passé de 900 à 5000 cette année pratiquement. Le festival de musique est un festival extrêmement exigeant, vraiment de grande qualité, avec des choses qui ne sont pas toujours évidentes, à maintenant un nombre de spectateurs qui approche les 2000 chaque année. Voilà. Après, c'est des chiffres à relativiser parce que, nous ne sommes pas une des principales régions touristiques même de Corrèze. Hein. On n'est pas la basse Corrèze, donc voilà, tout est à relativiser. Mais en tout cas, il y a vraiment un attrait que j'ai senti qui est beaucoup plus fort. Hein. Puis moi, je le vois au niveau de moi, je suis libraire ici, donc commerçant. Et je vois bien que le chiffre d'affaires estival est en hausse, qui correspond aussi à ce que je disais. Hein. Aujourd'hui, ouais, moi, on voit des jeunes, notamment des familles d'origine urbaine, qui ont envie de s'installer ici. Et puis, surtout, ce qui est vraiment marquant et ce qui est vraiment important, alors, les gens ne franchissent pas toujours le pas, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une recherche, en tout cas, d'une autre mode de vie liée, alors on va appeler ça la décroissance, une mode de vie alternative, on va appeler ça comme on veut, mais moi je vois bien au niveau des bouquins que je vends, c'est assez marrant, c'est assez symptomatique, je veux dire, ce public attiré par nature-culture, bah, il recherche des bouquins de Rabi, de Pablo Servigne, de tout ce qui est recherche d'un autre mode de vie. Je vois bien qu'il y a vraiment une attente. L'auteur que je vends le plus, c'est Sylvain Tesson. Alors, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas anodin non plus. C'est quand même quelqu'un qui a un rapport à la nature particulier. Et il y a vraiment une appétence pour ça. Alors, tous, évidemment, ne vont pas... ces personnes n'ont pas franchi le pas, mais en tout cas, voilà, on sent une recherche réelle. C'est l'heure de la nouvelle rubrique « Idées transversantes ». Le but, zoomer sur une initiative inventive qui fait débat et qui mérite qu'on s'y penche, histoire de sortir des clichés. 7 minutes de présentation, 3 minutes de discussion. On vous présente Ariane, Claire et Cyril, qui ont pour projet d'ouvrir une école bien particulière, l'école naturelle. Nature apostrophe L, comme les ailes des oiseaux. Le but est de faire de cette école une alternative à l'enseignement traditionnel et un outil du développement local. On est parti du fait que nos élèves ont besoin de trouver du sens dans les apprentissages, dans ce qu'ils font. Je vais prendre un exemple très bête. Moi, je suis professeur de lettres. Et c'est vrai que quand on fait, par exemple, un cours sur le COD, le COI, par exemple, on peut imaginer que l'aboutissement, le but de ce cours, c'est simplement, en fait, réussir un contrôle. Le cours aurait comme but le cours même. C'est-à-dire que, voilà, c'est la réussite à l'intérieur du cours. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'élèves qu'on perd petit à petit. Et quand on part sur des projets, par exemple, en lien avec la nature, ou faire du théâtre, des choses comme ça, tourner des courts-métrages, tout à coup, on se rend compte que pour eux, ça a beaucoup plus de sens. Et en fait, il suffit parfois d'apporter un projet. Voilà. Et puis, on s'est dit aussi qu'on avait constaté ça, hein, puisque souvent, on dit, bon, bah, voilà, moi, j'aimerais bien avoir 2 heures d'affilée pour travailler avec les classes, parce que c'est plus facile. Et moi, j'aimerais bien ne pas les avoir le matin ou ne pas les avoir l'après-midi de telle heure à telle heure. Ils ne sont pas réceptifs, etc. Et on s'est rendu compte que, bon, bah, voilà, il y a ça aussi, il y a cette obligation pour les élèves de correspondre aux attentes d'un enseignant en fonction d'un emploi du temps qu'ils n'ont pas choisi, avec des cours qu'ils n'ont pas non plus choisi, sur des thèmes qu'ils n'ont pas choisi. Et on se rendait compte que bon, bah, c'est vraiment dommage parce que quelque part, ils perdent de leur efficacité, de leur productivité, de leur créativité. Alors que si jamais on les laisse, par exemple, dans une classe nature, comme on faisait quand on était petit, pendant une demi-journée, bah, tout à coup, ils arrivaient à faire plein de choses. L'année dernière, en fait, il y avait un intervenant qui est venu qui parlait de l'agroécologie. C'était Marc Dufumier qui était venu pour faire une conférence. Et en fait, il y a un étudiant, j'ai trouvé ça très pertinent, quoi. Il a demandé, mais alors c'est très bien de parler de la nature, de parler de l'agroécologie, de parler de tout ça. Mais moi, en fait, depuis que je suis petit, j'attends que ça. Et il a fallu que j'attende d'avoir 17 ans pour enfin étudier le vivant et pour enfin aller dehors et pour enfin sortir. Nous, l'idée, c'est de créer un lieu vraiment différent, vraiment en contact direct avec la nature, où les enfants peuvent travailler dehors, peuvent travailler avec la nature, peuvent apprendre de la nature et peuvent travailler ensemble, choisissent leur sujet d'étude. Et tout ça, ça fait beaucoup de liberté pour l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, en fait. Je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est vraiment une question de système. Et effectivement, les enfants en contact de la nature, ils sont tout de suite plus ouverts, plus curieux, mieux dans leur peau aussi. Donc nous, l'idée, en fait, c'est de créer un lieu vraiment différent où ils seraient beaucoup plus libres, où ils pourraient aller dans la nature, et aussi un lieu qui serait pas fermé sur lui-même, un lieu qui serait vraiment ouvert, en fait, sur la commune. Ce qui, ici, là, dans le territoire, peut parfois gêner, c'est le fait qu'on associe cette école, qui de toute façon est une école privée, puisque pour suivre les enfants, il faut ne pas suivre un programme préétabli, et donc on est obligé d'être privé hors contrat. Ça, c'est obligatoire pour suivre les enfants. Donc ce qui souvent pose problème, c'est le fait que, ben, on sait, on est dans une région extrêmement rurale, et donc les mairies défendent bien sûr leur école communale. Et souvent, on perçoit le projet comme étant un projet qui va enlever les écoles de la commune sur laquelle elle viendrait s'installer. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, parce que quand on a fait un sondage, hein, au départ, et puis on s'est rendu compte que bah, peut-être que ça pouvait impacter 1 ou 2 élèves de la commune, mais en fait, ça ramenait à côté 28 autres élèves. Et voilà, ça peut... Comment vous avez fait ce sondage ? En fait, on a ouvert une page Facebook et puis on a commencé à poser des cartes, en fait, pour des cartes de contact. Et on a fait un sondage sur Google Forms. Et puis, on a demandé... Sur le site internet aussi. Voilà, sur internet, voilà, on l'a mis à différents endroits. Et donc, on a à peu près 135 familles qui nous ont répondu et qui disaient, ben voilà, donc nous, on est du Sel, nous, on est des Gletons, nous, on est du plateau de Millevaches, nous, on est de Meymac, nous, on est de Neuvic. Il y a deux personnes qui sont qui nous ont contactés pour l'école maternelle de Bidule. Mais moi, la raison pour laquelle je n'ai pas encore démissionné aussi, c'est que je reste quand même confiante dans l'avenir de l'éducation nationale, parce que quand même, il y a eu beaucoup d'évolutions. Après, moi, j'ai deux enfants et qui n'étaient pas heureux à l'école. Et donc, j'ai fait le choix de partir parce qu'il y avait urgence. Et c'est pareil pour les enfants d'aujourd'hui et pour l'environnement d'aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence. Et donc, je n'ai pas la patience d'attendre, en fait, que l'éducation nationale fasse son chemin, mais elle le fait par rapport aux notes, par rapport remplacé progressivement par les compétences, par rapport à... ils le voient qu'on doit enseigner différemment, que les enfants d'aujourd'hui sont différents et que ça ne peut pas marcher comme avant. Il y a ce côté, hein, il y a la nature, il y a les projets des enfants, etc. Mais il y a aussi, et souvent les gens ont du mal à le percevoir, mais c'est une force économique rurale, cette école. Parce que en fait, on ramène des gens pour la commune qui nous accepterait, par exemple. On ramène des gens. Et puis, il y a aussi un partage avec les artisans du coin. Et puis, nous, on avait mis dès le début sur le site le fait que, on allait... essayer de fabriquer des sortes de marchés de pays, des choses comme ça, des activités, des actions avec les artisans du coin et qui seraient organisées par les enfants. Comment on organise ? On va faire ça, tiens, on va faire des affiches, on fait du français, on fait des prix, on fait des maths, etc. Des trucs tout simples. Et en même temps, on crée une petite vie de village. Donc, on réactive tout simplement. On a un vrai souhait de participer à la dynamique du territoire. Oui, c'est ça. On veut vraiment que ça soit implanté, on veut pas que ça soit une école cloisonnée. C'est vraiment important que les mairies soient partie prenante en fait du projet. On pourrait faire sans, mais c'est vraiment pas notre volonté. Parce que, encore une fois, on veut vraiment que l'école soit inscrite dans le territoire et devienne l'occasion pour les gens de se rassembler et de dynamiser le territoire. Donc on attend avec impatience les prochains rendez-vous en mairie. Vous avez des choses à ajouter ? Je peux chanter une chanson. Parce que tout à l'heure j'avais dit que je chanterais une chanson. Non ? On retourne au studio de La Traverse avec une question pour lancer la discussion. Qu'est-ce qu'on en pense ? Comment une école de ce type, privée et hors contrat, peut vraiment contribuer au développement local ? Ça contribue tout à fait au développement local dans le sens où ça répond à un besoin local. On dirait qu'il y a déjà beaucoup de familles qui sont assez volontaires pour s'inscrire dans cette démarche. Et aussi, on nous a beaucoup parlé récemment du syndrome du manque de nature. Qui se fait ressentir même chez des enfants qui vivent sur des territoires ruraux. Ouais. Et dans ce sens, je pense que cette école, elle répond à ces problèmes. Et aussi, ça s'appuie en fait sur des ressources locales. Donc si l'école est bien ouverte comme ce qu'ils entendent faire sur le territoire, en fait, elle fait du territoire une ressource éducative, un terrain de jeu pour les enfants. Et en plus, elle participe complètement à la vie du village, tout en faisant que les enfants apprennent à devenir des futurs acteurs locaux et peut-être à mieux utiliser leur territoire. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, mais il y a une grosse limite. C'est que quand on parle de développement local, un des piliers, c'est l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est de donner à toutes et à tous... les outils de compréhension, par exemple, du système économique et politique pour être capable de développer une pensée critique par rapport à celui-ci. Ouais. Et il y a l'idée aussi d'organiser des moments en commun de discussion autour des thèmes importants pour la vie d'une communauté. Et dans cette idée, il y a avant tout l'idée d'accès à tous et d'égalité. Et du coup, je trouve ça compliqué de considérer qu'une école qui, quelle que soit la qualité de ses programmes, et privée hors contrat, et donc forcément exclusive socialement dans une certaine mesure, je trouve ça compliqué de qualifier ça de appartenant au développement local. Il y a aussi une dimension à prendre en compte, c'est que l'innovation pédagogique, elle se trouve aussi dans l'éducation nationale. Il y a par exemple une école dans la ville de Blanquefort-sur-Briolence, qui est une commune rurale qui était sur le point de perdre son école, Et à la rentrée dernière, cette école a été mise en pédagogie Montessori complètement, tout en restant dans le domaine public grâce à un partenariat avec l'éducation nationale. Donc il y a des innovations qui sont possibles tout en restant dans le public, mais le problème c'est que si tous les parents d'élèves qui ont peut-être le capital culturel nécessaire pour demander ce type de pédagogie alternative vont dans un système privé, il n'en restera plus aucun pour se mobiliser au sein de l'école publique pour que ces innovations bénéficient à tous et que, par exemple, la pédagogie Montessori soit plus largement diffusée. Ouais, peut-être que, du coup, la solution, c'est que ça reste à titre expérimental et que ça puisse donner des idées et des envies. Et ce que je trouve bien aussi, ça serait que, mais justement, les communes, comme c'est le thème de cet épisode, elles s'engagent plus fortement dans ce type d'éducation et peut-être qu'elles soient effectivement motrices des changements pédagogiques qui peuvent exister et dans le sens de ce développement local que propose l'école naturelle. Merci pour ces réponses qui posent des questions. C'est la fin de la rubrique Idées transversantes, on retourne dans le bureau du maire. Tout simplement, je n'ai pas le pouvoir et le moyen de décréter demain la fermeture d'Intermarché. Sans compter que ça ne serait pas très populaire. Là, je prendrais un certain risque, surtout à quelques mois des élections, vous voyez. Par contre, je vais vous donner une anecdote. En 2014, on avait... Donc à mon arrivée, on avait constaté deux choses. Il y avait déjà, il n'y avait pas de lotissement qui était prévu sur la commune. Donc en fait, l'équipe précédente envisageait d'en faire deux lotissements. Mais en ayant donné la priorité à un lotissement qui était à la périphérie, toujours un peu plus loin de la ville. Eh bien, ce qu'on a fait, nous, on n'en a fait qu'un, mais par contre, on a fait celui qui est tout près du centre-bourg, et avec lequel on peut aller, en y habitant, faire ses courses à pied, aller à l'école à pied, etc. Il n'y a plus besoin de voiture. Autre truc qui était symbolique, la rue qui mène justement à l'Intermarché. Eh bien, on a changé. Alors bon, il m'a fallu... plus d'un an hein, pour que les gens comprennent la pertinence de cette mesure. On a changé le sens interdit hein, de sens, c'est-à-dire que les gens qui allaient faire leurs courses allaient à Intermarché et partaient aux extérieurs. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils aillent à Intermarché et puis après qu'ils soient incités à revenir vers le centre-ville. Et donc, c'est ce qu'on a fait, hein, simplement en changeant le sens interdit de sens. Voilà. Donc voilà, ça c'était concrètement une décision voilà, qu'on peut prendre à l'échelon communal. En amont du mouvement des Gilets jaunes, parce que je fais également partie de l'Association des maires ruraux de France, et je suis le vice-président là, pour l'Association des maires ruraux de la Corrèze, et donc ça faisait tout à fait écho à ce mouvement là des maires et des territoires en colère. Les revendications étaient globalement les mêmes. C'est ce qui a conduit d'ailleurs tous les incidents autour le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas. C'est-à-dire des territoires ruraux qui se sentent oubliés. C'est simple, hein, la dotation de l'État envers les habitants ruraux, envers les ruraux, était de moitié de ce qu'elle est, c'est-à-dire que quand il verse 2 euros à un urbain, il en verse qu'un ruraux. Donc on est désavantagé de tous les côtés. Donc voilà. Et puis il y a eu toute la désertification au niveau des services publics, les écoles qui ferment. Voilà, on a été vraiment malmené. Donc c'était vraiment l'expression d'un ras-le-bol. Que Macron n'avait pas compris du tout en son début de mandat, puisque c'était quelque chose, la ruralité, il n'est pas un spécialiste de la ruralité. Il a compris que les maires ruraux étaient des experts de la ruralité. Alors là, depuis quelque temps, il a eu l'intelligence, en tout cas sous la pression hein, des Gilets jaunes, de changer, et puis des élus locaux, de changer son fusil d'épaule. Parce que avant les Gilets jaunes, ça fait 2 ans. Que les élus locaux, l'association des maires ruraux, mène ce combat.

on est la seule petite ville à regagner des habitants parce que, avec un peu de volonté, un peu d'imagination, une politique tournée vers le social, vers le culturel, on a mis l'accent là-dessus, on arrive à tout ça. D'aide au covoiturage, on a installé des aires de covoiturage qui n'existaient pas. Les transformations dont on va avoir besoin à partir de maintenant, de toute façon, c'est sûr que l'échelle communale elle est petite, elle est limitée, même si elle est importante. Donc c'est évidemment au niveau interco, au niveau départemental, au niveau régional, évidemment que ça doit se faire, hein. Déjà que l'échelle nationale elle est toute petite par rapport à l'échelle de la planète, alors bon, tout ça c'est évidemment qu'on peut pas prendre. Ceci étant, quand on voit l'initiative là, du maire en Bretagne, là, Daniel Rueff je crois, visant à interdire l'épandage des pesticides à une certaine distance des habitations, on voit aussi que qu'elle a aussi un rôle de lanceur d'alerte qui peut être vraiment important. Quoi qu'il en soit, on a une clause de compétence générale, la commune. Donc, je veux dire, c'est pas parce que l'économie est une des compétences de la communauté de communes que moi, à mon échelon, je ne peux pas prendre de mesures là-dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait mis en place des aides au commerce, etc. Donc, c'est toujours possible, même si on n'exerce pas la compétence, de prendre une décision en la matière à l'échelon communal. Donc, il ne faut pas hésiter, d'ailleurs, à le faire, parce que moi, je suis un farouche défenseur de l'échelon communal. Alors, en sachant qu'il y a des toutes petites communes, mais quand je dis des toutes petites communes, il y a des communes, je vous assure, ils sont 10 ou 15 habitants à dormir sur la commune. Bon, là, à un moment, il y a un seuil quand même qui devient pas très raisonnable. Mais cela dit, l'échelon communal, c'est un échelon de proximité qui pour moi, est le plus important et le plus pertinent. D'ailleurs, les enquêtes publiques, les unes après les autres, montrent bien que le maire est bien identifié et le personnage le plus apprécié de la République, enfin le personnage élu le plus apprécié de la République, ça dit bien ce que ça veut dire. À chaque fois que j'ai un gros projet, on a refait une rue récemment. Quand on est arrivé en 2014, on a refait toute une place. Eh bien, à chaque fois, on le fait en concertation avec les riverains et avec les habitants d'une manière plus générale qui pourraient être intéressés par le projet. Et donc après, ça devient un projet commun. Et dans sa réalisation, après, évidemment, les gens ne peuvent qu'être satisfaits puisqu'ils ont été consultés, leur avis a été pris en compte. S'il y a des choses qu'ils ont demandées qui n'étaient pas possibles, ça leur a été expliqué. Voilà, c'est une démarche plutôt gagnante-gagnante et en tout cas vertueuse, quoi. Bah, c'est le niveau de la proximité. Après, il n'a pas toujours les moyens, notamment avec la baisse des dotations, avec les intercos qui sont... Je pense qu'à terme, ça va être une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué à se mettre en place. À la fois, les moyens sont globalement plus importants, mais ils sont peut-être noyés dans un flot de prérogatives et de directives qui compliquent les choses, quoi. Mais en tout cas, la personne qui a envie éventuellement de s'installer ici ou qui aurait envie de se renseigner sur la question, elle va voir la mairie, hein. Elle va pas voir Haute Corrèze Communauté, hein. Ça c'est très clair. Sauf quand c'est un projet strictement économique, où là effectivement Haute Corrèze Communauté a plus de capacité de réponse. Mais le premier interlocuteur, ça, évidemment, ça reste la mairie. L'interco, moi, j'adhérais complètement à l'esprit de l'interco des origines, c'est-à-dire sur des sujets choisis et où on rassemble nos forces. Quand on n'y arrive pas tout seul, on peut y arriver à plusieurs, mais ça, c'est choisi. Et là, j'adhère complètement à cette idée. Après, on nous a imposé ces grandes intercos. Là, on nous les a imposées. On voit que les gens y ont été à reculons, à contre-cœur. Il y a les lourdeurs administratives incommensurables, les chaînes de décision qui n'en finissent pas en montant et en descendant. C'est, bon, voilà, c'est tout ce que je n'aime pas. Moi, j'aime la réactivité et la proximité. C'est-à-dire qu'ici, à Mémac, quand le directeur de l'espace jeune vient me voir pour un problème quel qu'il soit, je le vois dans la journée et en 10 minutes la décision est prise. Voilà, c'est facile, c'est réactif et voilà. Et puis si c'est pas moi, je sais que il y a mes adjoints qui peuvent voilà prendre la décision à ma place. Dans une aglo ou dans une interco comme Haute Corrèze Communauté, eh bien il y a toute la chaîne des agents, ça va aller à la chaîne des élus, et puis une fois qu'il s'en sera discuté, bon, ça va déjà prendre pas mal de temps, et puis après ça va redescendre, la chaîne des agents, etc. Alors, bon, vous voyez, c'est infernal, voilà, j'ai horreur de ça. De toute façon, pour exercer une compétence, pour arriver au bout d'un projet, il faut que ce soit un projet partagé, il faut que quand les choses sont imposées, forcément, ça marche moins bien. Ça, c'est forcé. À ça, il faut encore une fois que les gens soient prêts et en aient envie. Et le niveau communal est assez pratique parce que c'est pas un niveau très lourd pour enclencher des choses. Et que bah là, par exemple, MEMAC, on le voit bien, ils font des réunions collectives et les gens peuvent facilement y participer. Peut-être pour la communication et puis l'interconnaissance des gens, c'est plus facile. Après budgétairement, là pour le coup, par mon expérience, je sais que c'est pas les moyens qui font qu'on y arrive ou pas. C'est est-ce que c'est cohérent sur un territoire et c'est pas de copier-coller partout la même chose, mais c'est vraiment d'adapter quelque chose à une façon de vivre. Parce que c'est pareil pour le zéro déchet. Je dis toujours aux gens qu'il y a pas, il y a des grandes lignes, mais on est tous différents. On a tous, et ça faut quand même pas l'oublier. On est à la base tous différents, même si on est tous des êtres humains, on est quand même tous porté par des choses différentes et encore plus aujourd'hui. Et je pense qu'il faut pas essayer de lisser et d'avoir toujours le même avis sur tout, tout le temps, partout, et de copier-coller tous les projets. Et je pense que du coup, le niveau communal, voire départemental, mais déjà au sein d'un département, on voit les différences. En Corrèze, on voit la différence entre la Haute-Corrèze, Tulle et le bassin de Brive. C'est déjà pas les mêmes façons de vivre et on n'a pas les mêmes climats. C'est très, très différent. Donc, je pense que le niveau communal fait que c'est plus rapide, plus cohérent et plus facile de trouver quelque chose qui nous convienne à un niveau humain, on va dire. Une communauté de communes telle que maintenant, la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, c'est déjà très vaste. Il y a déjà beaucoup de différences de pratiques et d'utilisation du territoire et de vécu du territoire. Donc une commune, oui, ça me paraît plus rapide, je pense, pour bouger. En milieu rural, en tout cas, c'est moins politisé. C'est, on peut très bien faire un projet avec quelqu'un avec qui, on, à la base, on n'a pas forcément les mêmes... Enfin, on vote pas la même chose, mais parce qu'on se connaît, parce qu'on est voisin, parce qu'on est ami, parce qu'on a un tel et un tel qui se connaissent, on va plus facilement se mobiliser ensemble et ce sera pas politisé. Et ça, je pense que malgré tout, la politique fait que parfois ça sépare et ça vient être un frein parfois à la mobilisation. Hein, sans prendre l'argument de Payon quand il avait instauré les rythmes scolaires en disant on n'est pas obligé de faire des ronds-points à tout bout de champ dans les communes. Bon, ça c'est un peu caricatural parce que quand même les maires ont arrêté de faire des ronds-points. Mais oui, il y a des choix, bien sûr. Oui. Non, la commune a encore quand même quelques moyens. C'est-à-dire, c'est pas Crésus, hein, mais il y a des moyens, puis il y a quand même des aides, même si c'est un peu compliqué. Donc, moi je crois davantage dans la volonté que dans uniquement le pouvoir du portefeuille. Voilà. Parce que le but d'une commune, c'est pas de faire des économies et de vivre sur un trésor caché. Enfin voilà, le but d'une commune, c'est d'offrir des services à ses habitants et puis d'offrir un mieux vivre à ses habitants. Voilà, moi je crois que quand on le veut vraiment, les questions financières doivent être secondaires. Ça, c'est mon point de vue. rôle de la commune, c'est déjà un rôle d'exemple et puis un rôle de militantisme aussi. Je crois que on voit le maire dont on parle souvent en Bretagne, qui est la mairie de Langouette, je ne sais pas si je prononce bien, mais je crois que c'est ça. Et ce maire est un militant, il mérite tous les honneurs de la presse. Et je partage complètement son combat. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais faire à Mémac en étant plus modeste que le maire de Langouette, qui est vraiment un militant qui a toute mon admiration. Et en tout cas, il a tout compris, parce qu'il faut des gens comme ça pour attirer l'attention sur des problèmes quand même. À un moment, il faut que les gens prennent conscience, et on ne peut pas rester. Si on n'écoute que les chambres d'agriculture et la FNSEA, on ne s'en sortira jamais. Voilà, on espère que cet épisode vous aura permis d'entrevoir à quoi peut servir une commune dans la transition à mener. Et si vous pensez que nous, à la Traverse, on sert aussi à quelque chose, il est encore temps de nous soutenir sur notre financement participatif. Nous sommes tout près de l'objectif et il reste quelques jours, donc si vous voulez nous aider, c'est le moment. Dans le prochain épisode, on sera à l'Agrolet du Gers et on parlera de ce qu'est le développement local et de la manière dont il peut s'appliquer concrètement dans la reconversion d'une friche. D'ici là, portez-vous bien.